Je crois que la chanson suivante, nous pouvons la chanter tous. Casamiento. Oui, la mélodie, c'est un tout petit peu plus compliqué que l'autre, mais facile quand même. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La la la la la la la. Ah, on va essayer de la prendre. Grita.